Jésus arrive. Le sac en plastique respire lentement. Éclair de neige sur peau. Son nom de domaine attend les spores. J'ai découpé 1000 sourires pour les effeuiller sur sa nudité. Et je me suis mise à genoux entre ses jambes. Le chiot couine. Je l'étrangle un peu. À travers la trachée, je sens la langue tenter de déglutir, mais plus de bruit. En palpant cette petite tête canine, j'évalue les chances qu'elle a de pénétrer l'anus offert à moi. Il va en chier. Chier du chien. Enculer avec un chien tout entier, ça le fait quand même. Je prends sa verge molle et l'agite sous la truffe du chiot. Il en est amusé et mordille. La tête rougit dans le sac s'anime un petit peu. Puis les crocs microscopiques attaquent les testicules. Il s'acharne. Hurlement! Déjà relevé. Alors ce sera à moi de devenir un spectre.